Les chemins sont différents, l'avenir est incertain. Je sais très bien que je pourrais beaucoup mieux faire de mes deux mains. Aujourd'hui je ne sais plus qui sont vraiment les miens, mais c'est pas grave, je l'aime quand même, ma vie de bohémien. Si mes paroles sonnent tellement vraies, c'est parce que mes paroles sont tellement vraies. C'est mon portrait craché, je me balade souvent avec une cigarette, du Red Bull, de l'absolute, tout au fond de la trachée. J'ai donné mon corps à la science, à la chaîne, à l'usine. J'ai supporté le claquement, le putain de bruit des machines. Mais moi je rêve de beaucoup mieux, man, comme tu l'imagines. Je ne peux pas repartir les mains vides en Afrique. Je t'avoue que secrètement, je rêve de l'Olympia, mais je ne compte que sur moi-même, parce que les hommes sont trop ingrats avant de m'évanouir dans un linceul, dans un drap. Il faut que je réalise de grandes œuvres, seul comme un brave. La couleur de ma peau est égale à mon encre noire. Je perds la tête, les cheveux, je perds du poids quand je perds espoir. Mais je ne pleure pas sur mon sort, ce qui ne me tue pas rend plus fort, ce qui nous tue pas nous renforce. On a mal, on supporte. La sélection naturelle est bien souvent impitoyable. La loi et la justice, pas toujours impartiale. J'ai une capuche sur la tête, j'ai du goudron sur le cœur, du plastique sur le sexe, toujours pris sur le fait. J'ai des idées plein la tête, mais j'ai des fourmis plein les jambes. Dépités sont les faciès quand les bâtons sont dans les jambes. Comme l'homme descend du singe, on s'accroche à toutes les branches. On a la tête dans le guidon et du C4 autour des hanches. Je m'endors en pensant aux ailes, tourmenté et mon sommeil. Oui, j'ai l'esprit dans les nuages, mais les deux pieds bien dans la merde. Comme j'ai un cœur de glace, un iceberg sous la braguette. Ce qui nous manque, c'est de la passion et quelques cases dans la tête. Je marche avec des Babtou, des Rabza et des Renois. T'inquiète pas, tous les vrais gars se reconnaissent dans le regard. Comme la bine fait pas le moine, ne jugez pas que les peu ça. Ils veulent tous faire du rap, mais tous ne peuvent pas.